Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Le Terminus en ce 14 septembre en direct des studios de CISM. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On va être ensemble au courant de la prochaine heure pour donc une heure de rock indépendant. Et je me suis rendu compte en révisant ma sélection de ce soir que il va y avoir beaucoup de groupes ou d'artistes en provenance d'Australie ce soir, donc c'est à surveiller. Comme par exemple, il va y avoir du Beer Hug, Harley Young, aussi une nouveauté de Helio Sequence, et aussi nouveau groupe francophone Mardi Noir qui a lancé une première chanson hier, donc on va voir ça à l'émission dans quelques minutes. On va débuter par contre avec du Autolux, une chanson tirée de leur premier album qui est sorti en 2004, ça s'appelle Sub-Zero Fun. Vous êtes toujours, ou en fait, vous êtes sur les ondes de CISM. You're my preferred route down Cocoon Similac frown. Forget what you lack. They still want you back. If le groupe new-yorkais Violence, ou Violence, Violence, c'est ça, avec Every Melting Degree, une chanson qui se retrouve sur leur deuxième album True, qui est sorti au mois de mai dernier. Et je vous disais au début de l'émission, ce soir, beaucoup de groupes qui viennent d'Australie, parce qu'actuellement, beaucoup de groupes indie rock est vraiment intéressant de ce coin-là de la planète. Et on va commencer avec Beer Hug, qui sont eux autres de Sydney, qui est la plus grande ville du pays. Et ils ont sorti Beer Hug en mars dernier, un premier album de 9 chansons qui s'appelle Bill Dance Shiner, dont on va entendre tout de suite la chanson Be Fine, donc du groupe Beer Hug sur les ondes de CISM. Thank you. ma douce, écoute mon cœur battre et profites-en bien. Car bientôt, ça va changer. On va remplacer tous les cœurs par des culs. Et tu feras pas l'étonner, je t'aurais prévenu. Un cœur en or deviendra un cul en or. Les cœurs des Français Dylan Municipal. Et le groupe est actuellement en compétition sur le site Les InRock Lab, qui en fait un espèce de concours du magazine Les InRock et qui, à la fin de l'année, devrait couronner un groupe à découvrir. Donc, Dylan Municipal fait partie de ces groupes-là à découvrir et pour lesquels vous pouvez voter si vous, vous aimez le groupe. Et avant Dylan Municipal, vous avez aussi entendu Bad Decisions, un autre groupe à surveiller de l'Australie. Cette fois-ci, ils sont de la ville de Brisbane. C'était la chanson « Bitch Perfect ». On va maintenant entendre Mardi Noir, qui est un nouveau super groupe local qui est formé d'anciens membres des Psycho Riders, Le Nombre, Caféine. Déjà, juste en nommant ces groupes-là, on a déjà une idée là, des vétérans qui sont dans le nouveau groupe Mardi Noir. Donc, des gars d'expérience. Et j'ai bousculé un petit peu la feuille de route de ce soir pour vous la faire entendre, cette nouvelle chanson-là, parce qu'elle est seulement sortie hier dans la journée. Une chanson qui s'appelle Cœur de ciment. Et ce qui est drôle, c'est que le groupe, lorsqu'ils ont un peu annoncé leur création l'été dernier, lorsqu'ils ont créé leur page Facebook, ils avaient mis en ligne là, à peu près 3-4 chansons. Super, vraiment très, très intéressantes, super bonnes. Mais là, ils sont un petit peu agaces. Quelques jours suivants, après les avoir mis en ligne, ils les ont retirés. Et là, ils nous reviennent seulement avec une chanson. Donc, j'imagine qu'ils vont peut-être faire durer le plaisir et au fil des prochaines semaines, rajouter des chansons au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on a seulement une chanson, Cœur de ciment, qui est disponible sur Bandcamp. Gratuitement, je crois que vous pouvez télécharger. Ils seront aussi en spectacle, leur premier spectacle, le samedi prochain. Donc, c'est demain, le 15 septembre, au Divan Orange, en première partie de Mansfield TYA. On écoute donc tout de suite mardi soir, Cœur de ciment, sur les ondes de CISM, à l'émission Le Terminus. C'est pas mon alarme. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous jusqu'à 22h pour le meilleur de la scène rock indépendante. Et on dérive un peu parfois vers le punk, comme avec les Dots, la chanson Télévision qui est sur leur album Mi Fig, Mi Raisin qui est sorti un peu plus tôt, au début de l'été, il me semble. Et si vous voulez en faire retrouver la liste des chansons que j'ai jouées ce soir ou même réécouter l'émission en balado-diffusion, c'est toujours sur le CISM893.ca. que vous allez trouver ça. On va poursuivre avec un groupe de Beauce. C'est rare qu'on a des groupes de ce coin-là du Québec. Arthur Bui, comme des paresseux sur les ondes de CISM. Thank you. call it hard rain, doll it ain't a storm. You call it a ditch, doll it ain't a hole. Would you take my hand, leave all your clothes, and nothing gonna change in this town anymore. You're living in a ghost trap, honey, it'll break your soul. You're living in a ghost trap, honey, it'll break your soul. Noise, attempts, and excuses that hold you together. I try to get you just to walk. Un gars de Nouvelle-Zélande, Simon McLaren, avec la chanson « Never Gonna Hold You Now ». et qui a été publié sur SoundCloud cette semaine. Vous pouvez d'ailleurs la télécharger gratuitement ça, sur SoundCloud en tapant Simon McLaren et SoundCloud. Il semblerait sur d'autres chansons qu'il met au fur et à mesure sur justement sur SoundCloud. Il met même des versions démo pour avoir les commentaires des gens. Donc super intéressant comme démarche pour ce monsieur Simon McLaren. Et juste avant, c'était le troisième Australien de l'émission. Il s'appelle Harley Young et il y a ça de particulier qu'en fait monsieur Young est maintenant établi à Québec depuis quelques temps. En fait, il va être ici pour 2 ans pour apprendre le français. Mais il continue, par contre, à publier de la musique en anglais gratuitement sur Bandcamp. Et hier, il sortait 4 nouvelles chansons qui donnent une espèce de country pop alternatif, là. Et la chanson que vous avez entendue s'appelle « Ghost Trap ». Et les 4 chansons sont regroupées sur un mini-album qui s'appelle... que j'ai oublié le nom, donc allez voir ça sur Bandcamp, Monsieur Harley Young. On va poursuivre avec encore du nouveau matériel qui est arrivé cette semaine. C'est maintenant du côté de Helio Sequence, leur 5e album en carrière, Negotiations, qui vient de sortir mardi dernier. On écoute tout de suite la chanson One More Time à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Just one more time. Reasons Why, The Toy, un nouveau band anglais sur lequel, autour duquel il y a vraiment un gros buzz qui s'est créé au courant des derniers mois. Et là, voilà, leur premier album est sorti, Toy, sorti, je crois, il y a environ une ou deux semaines en Europe, donc pas encore disponible ici, mais on a quand même l'occasion de vous le faire tourner ce soir à l'émission. Et on va maintenant écouter, on a le temps pour deux dernières chansons avant la fin de l'émission. On va écouter tout de suite du Big Scary, qui est un duo de Melbourne. Donc, on fait le tour de tous les groupes australiens qu'on a entendus ce soir. Et ça sera la chanson Gladiator de leur album Vacation, qui n'est pas encore sorti, mais qu'on a déjà reçu à la station. Il sort l'album le 18 septembre, cet album de Big Scary. Il sera suivi de The Rest, qui est la position numéro 6 du palmarès album de CISM. Ce sera la chanson « Always on my mind » de The Rest. Et on se reparle tout de suite après, dans une 8 minutes à peu près. À tout de suite. We'll be right back.

écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir et bienvenue dans la MyFi épisode 2. Vous êtes sur les ondes de CISM, je m'appelle Zika et nous sommes ensemble pour l'heure qui suit. À peine le temps nécessaire de faire un petit tour de piste de l'actualité des musiques émergentes des dernières semaines. Au programme aujourd'hui, un peu d'électro, un peu de hip-hop et quelques jolies chansons. Et on commence sans plus attendre avec un extrait d'un album qui vient de rentrer cette semaine dans le palmarès de CISM. Un morceau qui a le don de transformer la moindre morosité ambiante en un mouvement de bassin joyeux, une sorte de soul électro swing de feu, une véritable eau de bonheur. Voici Happy de C2C.